Manifeste ta puissance infinie au travers de ton Église. Et maintenant, Seigneur, dans la tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur.